C'est ouvert, bonjour à tous, en tout cas rebonjour, je me suis fait avoir. Même quand on a des années de radio derrière soi, on peut encore se faire avoir par la lumière rouge. On papote hors antenne avec les invités présents autour de la table et on se fait avoir, les micros sont ouverts. Je disais, quand c'est tout rouge, c'est ouvert. Je faisais un signe en plus. Hein. Mais le technicien des signaux est toujours là et il m'avait prévenu, mais n'en faisant qu'à ma tête, je ne le regardais pas. Je regardais mes invités puisque, vous le savez, hein, ce sont les portes ouvertes ici à Radio Guémozo, située 8 places de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-lès-Remiremont. Ça, c'est si vous avez envie de nous rejoindre et je vous invite à le faire puisque il y a un buffet. Ça marche toujours. Hein. Quand on dit qu'il y a un buffet, là, les gens appliquent dardard. Et puis les invités s'enchaînent. Il y aura aussi des artistes qui viendront en fin d'après-midi, notamment Jack Simard, Calou. Le duo Anaïs et Fabien, je sais qu'il y a des gens de Strasbourg qui sont venus ici, qui sont là, qui attendent pour les voir. Ça sera juste après avec Gilou et il y aura Monsieur Michel Demange, maire de Saint-Étienne, qui nous rejoindra. En attendant, il y a la conférence Saint-Vincent de Paul que vous connaissez certainement ici, qui font beaucoup localement et notamment quelqu'un qu'on adore dans notre studio, enfin à notre radio, Radio Guémozo. C'est Cathy qui a déjà travaillé ici. Coucou Cathy. Salut. Mais oui, puisque outre faire partie de Radio Guémozo, tu es membre de la conférence Saint-Vincent de Paul. Oui, voilà. Donc moi j'ai travaillé, j'ai eu la chance de travailler avec vous, hein, avec toi, avec toute l'équipe de la radio, et je fais aussi partie de la conférence Saint-Vincent de Paul de Saint-Étienne. Et tu es venue avec Madame la Présidente. Oui, Céleste tout court. Qui est quand même la Présidente. Hein. Il y a aussi avec vous, autour de cette table, mais vous, enfin je ne sais pas, vous ne vous connaissez pas de vue, tout simplement. Bien évidemment, je connais l'association Saint-Vincent de Paul pour toutes ses missions. Effectivement, je la connais particulièrement bien. Mais effectivement, personnellement, je ne connaissais pas la présidente. Donc, c'est un plaisir de vous rencontrer. Moi aussi, je suis très heureuse de faire votre connaissance. Vous pourrez échanger ensemble. Absolument. Hein, c'est le principe de notre radio. Hein. Voilà, moi, je connais juste le monsieur qui organise un super Halloween. Le monsieur va le présenter. C'est Julien Ballon, que vous venez d'entendre, voilà. Qui est adjoint à la commune de Saint-Nabord. C'est ça, tout à fait. Pour la communication et l'animation. Absolument. Et c'est pour ça que Cathy, c'est grâce à lui que tu as pu voir, voilà. T'as pu voir un super spectacle. Et ça fait 2-3 ans que vous organisez donc, l'Halloween à Saint-Nabord. Et moi, je trouve ça génial. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ça dans le coin, nous, à Remiremont, Saint-Étienne. Les enfants viennent. Il y a des activités manuelles. Ils peuvent faire des perles, du collage, des porte-clés. Et en plus, ils reviennent avec une petite chose. Donc, c'est pas rien. Et ils ont un petit goûter, et moi je regrette qu'on n'ait pas ça ici, mais bravo de le faire parce Merci que c'est vraiment beaucoup. Sympa. Franchement. C'est effectivement une activité, lorsque nous avons repris la municipalité, effectivement nous avons mis en place un certain nombre d'activités, d'animations pour rendre attractive la ville, bien évidemment. Et c'était bien évidemment alors la fête de la musique, dès 14 juillet, tout le monde en fait partout, et régulièrement on était en opposition avec les autres collectivités en fait, qui faisaient exactement la même chose, donc forcément. La population est dispatchée, répartie sur les différentes activités, et bien souvent, pour des petites communes, je pense que c'est aussi le cas pour des petites radios, de faire le poids face à de grosses collectivités, c'est toujours compliqué. Et il y avait un vrai, comme vous l'avez dit, il y avait un vrai trou à ce niveau-là, au niveau des animations d'Halloween. Les enfants défilent en ville, mais il y avait très très peu d'animations, et effectivement, je pense que c'est une des animations qu'on a mis en place qui remporte le plus de succès chaque année, c'est vrai. Franchement, ouais, moi je trouve ça bien, et je dis le côté aussi de ramener son petit truc, les gamins complètement. Sont super contents. C'est surtout ça, c'est qu'ils l'ont construit et ils le ramènent à la maison, complètement. Et puis je pense que vous avez aussi du monde qui est là pour vous donner un coup de main, pour faire en sorte que cette journée soit attractive et tout le monde est à l'écoute, il n'y a pas d'attente, enfin c'est génial. Quoi. Oui, c'est vrai, je compte et je remercie, je le dis encore une fois, sur le personnel municipal, les maîtresses, les ATSEM, etc., qui sont toujours là et qui donnent toujours le petit coup de main pour que ce soit effectivement une réussite cet après-midi-là. Quoi. Voilà. D'où je connais ce monsieur. On dit parfois qu'un train peut en cacher un autre, un Julien peut en cacher un autre, puisque notre président est toujours là, le président de Radio Guémozo. Tu interviens quand tu veux, tu le sais, tu es ici chez toi. Merci Mika. Céleste, comment pourrais-tu nous présenter la conférence Saint-Vincent de Paul, son existence, son histoire, ça remonte à quand? Alors, Saint-Vincent de Paul à Saint-Étienne existe depuis plus de 60 ans. Bien sûr, c'est du caritatif. Donc, nous avons pas mal de familles qui sont inscrites chez nous, qui sont en difficulté. D'autres en grave difficulté. La plupart, c'est en grave difficulté. Hein, et donc, nous les soutenons moralement et puis nous les soutenons en faisant des colis et en leur apportant vraiment un grand réconfort. C'est national, hein, il me semble. Hein. Tout à fait. Alors, c'est national, mais c'est aussi mondial. Oui. C'est mondial, Saint-Vincent de Paul. Figurez-vous que tous les ans, je pars en vacances au Portugal, et tous les ans, je rencontre des gens d'une section de Saint-Vincent de Paul au Portugal. Donc, c'est quand même très important. Hein. Il y en a beaucoup, hein, des sections là-bas aussi. Hein. Est-ce que ce soit toi, Céleste ou Cathy, vous connaissez un peu l'histoire, justement, quand et comment ça a été créé? Alors, il y a très, très longtemps, hein, par Ozanam. Hein. Hein, donc, écoutez, et moi, j'aime pas l'histoire. Hein, vous comprenez, je vous le dis franchement. Je ne donne pas les dates, mais en tout cas, le but de la création. But, ça a toujours été d'éliminer la pauvreté. Voilà. Après, moi, je vis dans mon temps. Hein, je ne sais pas que ça ne m'intéresse pas, mais je m'ennuie toujours un petit peu avec toutes ces choses-là anciennes. J'aime pas trop. Voilà, je suis désolée, hein. C'est pas que je connaisse pas vraiment, mais je plutôt que de m'embrouiller un petit peu dans ces petites choses-là, je fais abstraction. Sur le présent et dans le futur. Voilà, voilà, justement, voilà. Ça c'est le passé, maintenant voilà, on va parler voilà. Du présent et du futur, comme le dit Julien. Comment vous aidez les personnes qui viennent vous voir, et de quelle façon d'ailleurs peut-on venir vous voir, faire appel à vous? Alors, c'est déjà le bouche à oreille, hein. C'est la commune, c'est les assistantes sociales qui nous mettent toujours en relation avec toutes ces familles-là. Et donc, suite à ça, on a des grands entretiens avec les personnes, parce qu'on ne va pas non plus aider n'importe qui, n'importe comment. Il faut se dire aussi que chaque cas est différent. Je parle des gens qui sont dans le besoin. Donc, chaque cas, oui, il est différent. Et ce qui se passe bien ce mois-ci peut être très mauvais le mois prochain. Donc, il faut toujours être en contact avec les gens et puis être à leur écoute, beaucoup d'écoute, pour pouvoir bien cerner la personne et bien l'aider. Oui, parce que le but de l'association, en premier, c'était de faire des colis alimentaires. Mais il faut savoir aussi qu'il n'y a pas que ça. Il y a aussi le côté relationnel. Il y a aussi, on est à leur écoute. Hein, parce qu'il y a des personnes qui ont des soucis pour se nourrir. Mais tu peux aussi avoir des personnes qui ont envie de parler d'autres problèmes. Donc on est aussi, le but premier hein, de l'association, c'était les colis alimentaires. Et petit à petit, il y a plein de choses qui viennent s'engendrer. Et ça, voilà, qu'on est là, pas simplement pour les nourrir, qui c'est très important. Bien sûr. Mais il y a aussi, voilà, l'écoute, le partage. Il y a le fait qui remplace le lien, hein, de voilà, toute façon, le lien humain. Hein. Voilà, et le fait qu'on ne juge personne et qu'on n'est pas là pour juger. Et voilà, l'association, petit à petit, on évolue en faisant certaines actions pour faire évoluer cette association, en fait. Et puis, il y a aussi des personnes qui viennent pour de l'écoute. Bien sûr. Ils viennent, ils boivent un café, ils discutent. On a parmi nous une personne qui, la personne là n'est pas riche, mais elle vient aussi pour ne pas être coupée du monde. Et ça, je l'ai compris, mais bon, finalement, c'est une belle excuse d'avoir quand même un colis, vu qu'il n'y a pas vraiment des grosses rentrées d'argent. Le savoir là, parce que la personne là, elle a besoin de faire partie de quelque chose. D'appartenir à quelque chose. Oui, et d'être écoutée, ou d'être vue, d'avoir un sourire, parce que c'est une personne qui... on ne la verrait pas. Cette personne-là, elle passe inaperçue. Et donc, toutes ces choses-là, on est quand même obligé de les cibler et puis d'être présent pour ça. Et on, et on voit l'évolution hein, de certaines personnes qui viennent. Ils sont un petit peu recroquevillés parce que frapper à la porte d'une association, c'est jamais facile. Et au fur et à mesure, on les voit s'épanouir. On les voit parler plus facilement, aller vers s'ouvrir les autres. Vers vous, quoi. Oui. Ouais. Voilà. Et s'ouvrir ça, c'est en fait aussi, à la société au final. Ça, c'est hyper important aussi hein, de voir ces gens évoluer dans leur comportement par rapport à nous, par rapport aux autres bénéficiaires. Ça fait plaisir, quoi. Ça fait plaisir. Il y a aussi une chose qu'il ne faut pas qu'on oublie, c'est que nous les prenons pour des personnes comme vous, comme moi, comme elles, oui, comme n'importe qui. Il y a, on va parler avec ces personnes-là, même si on les sait vraiment dans des problèmes terribles, on a devant nous un être humain. On ne s'apitoie pas devant la personne, mais on la prend comme elle est. Voilà, on l'accepte comme elle est. Et ça aussi, c'est très important, parce qu'ils se savent un être humain et respecté. Voilà. Parce que ça joue beaucoup dans notre société, ne pas se sentir rejeté et être considéré comme un être humain. Comment avez-vous les aliments que vous distribuez ? Alors, c'est quelque chose d'extraordinaire parce que nous avons une partie qui nous vient de la banque alimentaire, hein, en sachant que nous payons quand même une certaine somme hein, pour chaque personne inscrite à la banque alimentaire. Je ne sais pas si je peux donner le nom d'un magasin. Non, un supermarché Armand. Un supermarché pas loin d'ici. Supermarché à Saint-Étienne. Voilà, pas loin d'ici. C'est je suis très discrète, personne ne le reconnaît. Que toutes les semaines, ont la bonne volonté, et ça depuis des années, de nous laisser aller chercher des produits qu'ils mettent de côté pour nous avec le zéro gâchis. Zéro gaspillage. Ils nous mettent tout ça de côté. Toutes les semaines, on va les chercher. Et puis, le vendredi après-midi. Et le samedi matin, quand nous faisons des colis, nous allons chercher des fruits, légumes, crèmeries, viande, leurs invendus. Et nous avons encore, un petit peu plus loin, un transporteur, des gens merveilleux, je dirais toujours pas le nom, mais qui se trouve au rond-point de... Par là, avec des beaux camions bleus. Oui, voilà. Que de temps en temps, il nous appelle pour aller chercher de l'alimentaire. Et puis, voilà comment que nous nous en sortons. Nous faisons aussi une collecte alimentaire pour nous-mêmes. Par intermédiaire de l'entraide stéphanoise, qui est notre bébé. Parce qu'en réalité, nous gérons deux associations. L'entraide stéphanoise qui fait des prêts à taux zéro aux gens en difficulté ou tout petit salaire. Et donc, nous gérons aussi donc Saint-Vincent-de-Paul, tout en ayant des comptes différents, des comptes en banque différents et ainsi de suite. Hein. Donc, voilà où c'est qu'on en est. Hein. Donc, au mois de juillet, c'est l'entraide stéphanoise qui est faite dans notre joli supermarché pas loin d'ici, une collecte alimentaire pour que à la rentrée, nous puissions démarrer vraiment confortablement nos colis. Moi, je suis admiratif. Hein. Sincèrement, on ne peut pas citer les noms, bien évidemment, mais je reste admiratif qu'il y ait encore des grandes multinationales, qu'il y ait encore de grandes enseignes qui puissent jouer le jeu et qui puissent vous apporter, parce que c'est complètement incontournable. On a besoin de vous. C'est vraiment incroyable que à ce jour... On parle d'individualité, etc. Mais il y a encore des gens qui jouent le jeu. Et, enfin, moi, ça me fait vraiment extrêmement plaisir d'entendre ce genre de discours. Alors, moi, je ne savais pas qu'il pouvait y avoir des gens aussi merveilleux que ce qu'on rencontre, nous, c'est vrai. Alors, vous avez aussi, bien sûr, le petit voisin qui va nous amener peut-être 2-3 courgettes, parce qu'il en a 2-3 courgettes qu'il ne veut pas gâcher. Mais c'est merveilleux. Et c'est vrai que nous avons réussi quand même à beaucoup faire parler de nous. Et il y a eu quand même une solidarité qui s'est instaurée à Saint-Étienne, qui est extraordinaire. Et je remercie tous ces gens-là de bon cœur, riches, pauvres, petits comme moi, parce que c'est merveilleux. Enfin, lutter contre la misère, ça n'a pas de frontières. Parce que le problème de l'association, c'est que quand on est qu'avec la banque alimentaire, les colis n'étaient pas forcément équilibrés. Ouais, bien sûr. Et là, on a eu la chance donc d'avoir ce supermarché qui nous a tendu la main. Là, on fait des colis, donc c'est tous les 15 jours. Hein, on fait tous les samedis matins, tous les 15 jours, on a des colis avec des fruits, des légumes, hein, vous savez tous autour de la table qui sont pas donnés. Et là, ça nous permet donc au petit voisin hein, qui va nous donner 3 kilos de carottes ou à ce gros supermarché qui va nous donner ses inventus, de faire des super colis quoi. Et ça c'est hyper important parce que là. Et voilà, les colis basiques où il y a des pâtes, du riz, etc., c'est très bien, mais on ne peut pas se nourrir qu'avec ça. Donc, et ben évidemment, tout ce qu'on peut avoir à côté, ça fait des super colis, quoi. Pour vous donner une ordre d'idée, avant, c'était par exemple une petite cagette. Maintenant, grâce à ce supermarché et aux bouche à oreille qui ont fait que les gens donnent, on fait 3-4 cagettes. Donc, c'est génial, ouais, quoi. Super. C'est génial. Et moi, ce que je trouve intéressant, c'est qu'en ayant des fruits et légumes, hein, donc des produits frais, ça incite aussi nos familles à cuisiner. Donc, tant qu'ils sont en train de faire quelque chose, ne serait-ce qu'en train de cuisiner, ils ne sont pas en train de penser à leurs soucis. Ils se disent, bah tiens, j'ai ça, je vais cuisiner, je vais faire ça. Et puis, ils vont manger, ils vont faire un repas comme il faut. Et puis, vous savez bien qu'à partir du moment que le ventre n'a pas faim, le cerveau, il va mieux. Hein. Forcément. Non, mais c'est vrai. Donc, voilà, nous avons mis pas mal de choses en route. Après, il faut se dire que nous, à Saint-Vincent-de-Paul, la majorité, on est des femmes. Et puis que nous, les femmes, on adore les casseroles. Et que nous avons pas mal de choses imaginées pour que, justement, les familles s'intègrent mieux dans la vie de tous les jours. Or, c'est bien, puisqu'on parle de Saint-Vincent-de-Paul, situé à Saint-Étienne. Et on a Monsieur le maire de Saint-Étienne qui vient d'arriver dans ce studio, Michel Demange, qui voulait le faire de manière discrète, mais moi, avec mes gros sabots, je n'ai pas pu m'empêcher. Laissons-le s'installer quand même. Oui, surtout que je crois qu'il sort d'un mariage. Oui, bonjour Mika, bonjour à vos auditeurs. Oui, je sors d'un mariage assez nombreux, à peu près 150 personnes. C'est toujours agréable de célébrer ce genre de manifestation. Tu connais tous ceux qui sont autour de cette table. Bonjour Julien, madame la présidente Céleste. Monsieur le maire. Votre président de Mange, qui a le même nom que moi, bien sûr. Hein. Par contre, madame. Alors, moi, c'est Cathy, donc j'étais animatrice ici et je suis donc la secrétaire de l'association. D'accord. Voilà. Je peux rajouter quelque chose? Il faut se dire que nous, la conférence Saint-Vincent-de-Paul et l'entraide stéphanoise, nous sommes logés par notre commune gratuitement. Et puisque monsieur le maire est là, je tenais quand même à le dire et à vous remercier parce que on est dans des locaux anciens, mais plein de charme. On se plaît dans notre local. Et voilà, on est trop bien. On y passe voilà, même un peu on trop est temps, trop bien. Céleste, Radio Gamozo s'associe à vous, hein, à la conférence Saint-Vincent-de-Paul, puisque nous sommes aussi Radio Gamozo, logés grâce à la mairie de Saint-Étienne. Elle a également électricité, chauffage, etc. Ce qui nous aide beaucoup. Merci à la municipalité. Dans un local qui a été refait il y a 2 ans d'ailleurs. Et j'en reviens effectivement à Céleste. C'est vrai que c'est le jour et la nuit par rapport au bâtiment que vous aviez avant, puisque c'était un simple garage. Oui. Et vous faisiez votre distribution dehors sous la pluie par. Oui. Par la neige, le vent et donc. Disons que avant, c'était déjà bien parce qu'on avait un local, hein, mais ce que je veux dire, s'il faisait moins 15, on était à moins 15. S'il fait moins 15, nous on a à peu près 18 degrés. C'est pas merveilleux, ça a tout changé. Oui. Ça a changé totalement notre vie. Maintenant, nous pouvons faire un café. Avant, on ne pouvait pas faire un café. Ou alors il était gelé. Il ne coulait pas dans la cafetière. Non, mais c'est vrai que nous avons retrouvé un confort extraordinaire. Donc voilà, ça a été très bien pour nous. Oui, parce qu'il faut penser, il y avait aussi pour nous le fait de faire les colis où c'était plus faisable, hein, par la pluie, par la neige, être dehors à moins 15. Notre comptable qui nous amenait des bouteilles d'eau chaude pour se réchauffer les mains, enfin c'était... Ah oui, c'est ce qu'on appelle des bouillottes. C'était carrément les bouteilles en plastique avec de l'eau chaude pour. Et c'était aussi pour les personnes qui venaient chercher leur colis, parce que les pauvres gens, ils attendaient leur tour dehors sous la pluie, sous la neige. Enfin, c'était. Voilà, on va pas dénigrer ce qu'on avait avant, parce qu'on est content, on avait quand même un local. Mais là, c'est vrai que depuis qu'on a les locaux là, ça change beaucoup de choses. Rien à voir, bien sûr. Tout a changé. Même par rapport aux gens que vous accueillez, c'est des conditions d'accueil qui sont décentes. Voilà. Bah, disons qu'avant, on n'avait pas de conditions d'accueil. Vous savez, ça fait quand même partie des souvenirs plus ou moins bons. Aujourd'hui, on en rigole. Hein. Parce que, vous savez, dans ce garage où nous étions, il y avait une descente. Hein. Et alors, les gens, ils restaient dans la descente. Hein. Hop. Quand il y avait un peu plus de neige, tout ça, vous verriez, hein, des fois... Il y avait des glissades. Ouais. Quand il pleuvait, on mettait des bâches en plastique. C'était catastrophique. Alors, bien sûr, maintenant, on est... D'ailleurs, on dit notre château. C'est vrai. Vous êtes passé du Moyen-Âge au 21e siècle, c'est tout bien. On y est même trop bien, parce que je trouve qu'on passe beaucoup de temps. Donc... Peut-être parce qu'on y est trop bien, en fait. Céleste et Cathy, pour résumer, ceux qui auraient besoin des services de la conférence Saint-Vincent-de-Paul, il faut qu'ils passent par leur assistante sociale. Oui, ou la commune. Le CCAS peut effectivement donner des pistes, hein, dans les Restos du Cœur, que des bons alimentaires, éventuellement, s'ils y ont droit au niveau du CCAS, ou Saint-Vincent de Paul, et puis, ou le Secours Populaire. Quelles sont les manifestations que vous organisez, peut-être à venir ? Il y a les collectes alimentaires, hein, qui sont faites dans une grande surface de Saint-Étienne. Toujours la même. Alors là, ce sera le 30 novembre et le 1er décembre, et nous allons collecter pour la banque alimentaire. Là, c'est une collecte nationale. Voilà. Hein, c'est pour tout le monde, donc vous allez entendre parler à la radio ou à la télé. Et nous nous tiendrons donc dans ce fameux hypermarché là, tout proche de chez nous là. Très bien. Julien, on le dit. Alors Julien, tu t'es présenté tout à l'heure, hein, à la municipalité de Saint-Nabor, chargé de communication et d'animation. C'est ça. Quels sont, vous, les prochains moments forts à venir ? Alors les prochains moments forts, en fait, les principales dates qui ponctuent en fait les différentes animations sur Saint-Nabor sont déjà passées. Elles sont principalement situé vers l'été, donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, ça rejoint effectivement les 14 juillet. Cette année, on a eu la chance encore avec un très très beau mondial, donc on a pu organiser la plus grande fan zone du département avec 3000 personnes, enfin c'était quelque chose d'assez extraordinaire. On a eu quelques très très bons moments. On enchaîne bien évidemment toujours à la rentrée avec l'Infernal, qui est toujours un très très très grand moment. Julien pourra tout à fait témoigner dans ce sens, parce que je crois que tu y as travaillé, tu étais quelques jours. J'étais quelques jours à participer. Tu avais une grosse mission d'ailleurs, au niveau informatique, tout ce qui était... Ouais, je ne sais pas si c'est une grosse mission, je crois qu'elles sont toutes grosses. Ils se sont beaucoup appuyés sur toi, je te le garantis. Donc non, c'est vrai que c'est vraiment important. Donc on va rejoindre effectivement ce qu'on disait tout à l'heure, la période d'Halloween. Donc il va y avoir les animations d'Halloween. On va retrouver, tout doucement, on va glisser vers les fêtes de fin d'année. Donc, ce sera défilé de Saint-Nicolas. Ce sera, bien évidemment, les différents harpes de Noël pour les différents personnels municipaux, etc. etc. Et puis, dans le cadre, alors là, je dépasse un petit peu le cadre municipal, c'est le cadre OMCL, c'est l'Office municipal de la culture de la ville. Il va y avoir quelques concerts qui vont être amenés. Il va y avoir un thé dansant. D'ailleurs, j'en profite le 28 octobre, si je me trompe. Oui, 28 octobre, dimanche, avec Alexis Ballandier, qui est bien connu du secteur, accordéoniste, pour faire un thé dansant donc, au centre socioculturel de Saint-Nabor. Voilà, en termes d'animation. Et puis, on repartira sur toujours ce qui marche bien, ce qui fonctionne bien à partir de 2019. La commune de Saint-Nabor, tout comme celle de Saint-Étienne et Remiremont, fait partie de la communauté de communes de la Port des Vosges méridionales. dont on a le président ici, hein, Michel Demange. Toi, Julien, t'en fais pas partie, en tant que, je veux dire, ta commune, oui, mais c'est pas toi qui es le représentant de celle-ci. C'est ton maire. C'est Daniel le maire Saccard. Et puis quelques autres personnes. Mais effectivement, Daniel Saccard, le maire de l'Armement, est vice-président à la CCPVM, absolument. Michel, on va en parler de la communauté de communes. Il y avait eu quelques épisodes, ça serait bien que tu les évoques si tu veux bien. La démission évoquée de ta part, c'était avant l'été, hein, il me semble. Pourquoi toujours revenir? Je m'en suis exprimé. Sur Vosges Télévision la semaine dernière. J'ai pas vu. Oui, mais je savais. Ah, bah si, fallait aller regarder l'émission Place Publique. Je m'en suis exprimé. Moi, j'ai jamais mis sur la place publique mes états d'âme. Oui. C'est une chose interne qui s'est passée. On est, comme je disais, on est des êtres humains avec des moments peut-être de doute, avec une lassitude. Et peut-être que le mois de juillet, c'était un moment où j'étais dans le creux de la vague. On a mis tout ça sur la table. Quasiment, le bureau m'a suivi dans sa majorité, pas l'unanimité, il en manquait un. Mais sinon, ils étaient contre le fait que je parte. C'était en interne, c'était un moment de lassitude. On est reparti maintenant, j'avais un conseil communautaire la semaine dernière, mardi 25, et on avait 13 points à l'ordre du jour, la totalité des points des délibérations étaient votés à l'unanimité, donc c'est un micro-épisode de la vie d'une collectivité, c'est pas derrière qu'il faut regarder, c'est devant, hein. C'est devant. En tout cas, c'était le but de ma question, c'était justement de ne pas de faire détendre des états d'âme, comme tu l'as dit. C'est une chose. Moi, ce que je trouvais intéressant de l'extérieur, c'est justement ce que tu viens d'évoquer, c'est-à-dire que tu as été soutenu à part une personne, mais sinon tous les autres conseillers communautaires. Les autres vice-présidents. En vice-présidence, il y en a 10. Il y a 9 vice-présidents. 9, autant de communes. Le président et 9 vice-présidents, donc 10 communes au total. Et puis en conseiller communautaire 31. Donc c'est vrai que, encore une fois, hein, mon regard, qui m'est propre de l'extérieur, ce que je trouve intéressant dans cet épisode, et comme tu l'expliques aussi, hein, chacun est humain, donc c'est normal aussi qu'à un moment il y ait des incompréhensions, etc. C'est aussi ça qui aide à avancer. Ce qui est. Où vous, je trouve, vous en ressortez grandi tous, la communauté de communes de la Porte des Vosges méridionales, c'est que on sent une unité maintenant. Elle existait déjà avant, Mika, tu sais. Elle existait cette unité. Bon, c'est comme dans un couple, hein, ce que je disais. On s'accroche, et puis après on se rabiboche. Et ça peut pas être toujours le septième ciel, hein, donc. Par rapport à la communauté de communes, on dit au revoir à la conférence Saint-Vincent-de-Paul. Au revoir mesdames. Au revoir Saint-Vincent-de-Paul. Bravo pour tout ce que vous faites. On a vraiment besoin de vous, donc félicitations et puis très très bon courage. Merci. Et puis peut-être à bientôt Cathy pour une prochaine émission ici. Je vais bientôt remettre les pieds dans les locaux. Tu vas bientôt me revoir Mika. Avec grand plaisir. Bonne journée, au revoir. Bonne continuation mesdames. Pour la communauté de communes, quelles sont les prochaines échéances importantes? Prochaine échéance importante, c'est la définition de l'intérêt communautaire qui doit être pris pour certaines compétences avant le 21 novembre 2018. Donc c'est d'ici un mois et demi. On est quasiment prêt. Il y a deux, trois petits dossiers à clarifier. Sinon, on sera prêt. Nous, on mène notre petit bonhomme de chemin, jusqu'à présent, n'avait jamais fait parler de nous. Le boulot, il se fait. Certes, il n'est peut-être pas visible parce que depuis un an et demi, presque deux ans, c'est plus du travail administratif qui a été fait. Mais laissons-nous le temps de travailler, laissons-nous effectivement la possibilité de développer cette communauté de communes. Et la difficulté que j'imagine, tu diras si elle est réelle, de voir petit à petit de nouvelles communes se joindre au noyau originel? On bouge trop souvent, l'État a trop fait bouger les lignes. On est passé en quelques années de 45 à 25, puis à 9 communautés de communes, plus 2 communautés d'agglomération. On n'a pas le temps matériel en quelques années de bosser convenablement. On est à peine en place qu'il faut de suite chambouler tout. Donc c'est pas possible. On est tranquille, je pense, jusqu'en 2020. Et encore. Je pense pas que les périmètres vont bouger avant le renouvellement général des municipales. Hein. Julien, bien que tu ne sois pas conseiller communautaire, tu as un regard sur la communauté de communes. Et vous, j'imagine qu'en conseil municipal de Saint-Nabor, vous en parlez. Comment se place votre commune par rapport à cette communauté de communes ? La commune de Saint-Nabor, bien évidemment, se place tout à fait, essaye vraiment d'apporter sa pierre à l'édifice. Comme le disait Michel, c'est pas simple, bien qu'il l'ait fait déjà de très belles manières, de rassembler les vice-présidents, qu'il ait réussi à mutualiser un petit peu tout ça. C'est pas simple parce que effectivement on est soumis à beaucoup de contraintes. L'État s'immisce aussi beaucoup dans ce genre de choses et ça laisse peu de temps, ça laisse peu de rayonnement, enfin de pouvoir d'action aux décisionnaires, et c'est vrai que c'est toujours très compliqué. Une communauté de communes, c'est bien évidemment 9 communes en ce qui nous concerne, avec 10 communes, mais c'est vrai que c'est pas autant d'identité, d'intérêts divers, donc c'est pas toujours simple de mutualiser et d'aller dans le même sens. Voilà. Je pense très sincèrement que on est obligé de passer par là. Il faut passer par la mutualisation, la communauté de communes, c'est l'avenir, mais effectivement, il faut que tout le monde puisse s'y retrouver. Et en termes de logistique, en termes financiers, bien évidemment, c'est pas toujours simple parce que chacun veut préserver ses petits intérêts, ses avantages. Donc y a un vrai travail consensuel à faire à ce niveau-là, ça c'est certain. À propos d'avantages, quels sont, d'après toi, les atouts de la commune de Saint-Nabor ? Alors Saint-Nabor, si je ne me trompe en termes de population, c'est la deuxième population, donc c'est la deuxième commune, donc elle est juste en dessous de Remiremont, elle est juste un tout petit peu au-dessus de Saint-Étienne, hein, ça se vaut, c'est à quelques centaines près. L'avantage, ce qui fait la force aujourd'hui de Saint-Nabor, c'est d'abord ses zones industrielles. On a eu la possibilité d'avoir ce terrain avec beaucoup d'entreprises, qui met beaucoup d'énergie, qui permet de préserver et de maintenir un peu l'emploi sur la communauté de communes. Et puis nous avons une très très grande commune en termes de surface, ce qui nous laisse encore une grande marge de manœuvre par rapport à des constructions possibles, d'autres évolutions immobilières. On a encore la possibilité d'accueillir, de construire, de mettre en place des projets, ce qui n'est pas toujours le cas dans certaines communes qui sont déjà complètement prises de par le manque de surface, quoi, de superficie. Dans les points forts, d'après toi, les points forts que vous avez, quels sont-ils ? Les points forts au niveau humain, par rapport à la commune en elle-même. Et économiquement, je le disais, c'est un point fort parce qu'effectivement, on a la forêt, on a toutes ces entreprises. On a aussi une grande diversité par rapport à la commune. Elle est très, très développée, en fait. Elle part de Bellefontaine, elle va jusqu'à Éloi. Elle est vraiment... C'est une très jolie commune. Les points forts, voilà, ils sont là. Maintenant, le but du jeu, c'est pas de savoir qu'est-ce que Saint-Nabor peut faire, c'est qu'est-ce que Saint-Nabor peut apporter à la communauté de communes. Voilà. Il y a des événements importants. Hein, tu parlais tout à l'heure de l'Infernal Trail. Il y a aussi... tu évoquais aussi le centre socioculturel qui est une salle qui sert énormément. Absolument, elle est surexploitée même. Ouais. À propos de salle, Michel, le revoilà, l'animateur avec ses gros sabots. Mais ce n'est pas une patate chaude, Mika. Notre salle, on en a fait la réception il y a une quinzaine de jours. On va faire la première petite manifestation le 4 novembre, puisque ça va être le thé dansant pour les plus de 60 ans. Et c'est un outil magnifique. Tu auras l'occasion, je pense, de venir à l'intérieur et tu verras que c'est une très belle salle, et tout en bois, qui s'intègre parfaitement dans l'espace du Fossard. Donc c'est bien. Donc ça y est, elle est quasi terminée. Le 4 novembre. Elle est terminée le 4 novembre. On a envoyé une invitation pour notre thé dansant annuel à tous les plus de 60 ans. Et donc l'orchestre est réservé. On va guincher tout l'après-midi. Ça va faire passer un bon moment à nos anciens. Excuse-moi, Michel. Est-ce qu'il y aura une inauguration proprement dit ? Il y aura bien évidemment une inauguration, mais Ça se prépare, ce genre de manifestation se prépare. Bon, je ne pense pas qu'on l'inaugurera avant la fin de l'année. Ce serait plutôt en début d'année prochaine qu'on nous laisse le temps de savoir qui on invite, parce que j'aimerais bien quand même marquer le coup pour ce genre d'inauguration. On le disait avec Julien, hein, c'est vrai que le centre socioculturel est une salle renommée, je veux dire une belle salle, du bon son, etc. Et vous, c'est ce que vous avez voulu aussi, Michel, hein, c'est qu'il y avait des critères bien précis pour cette salle. Ah oui, bah avant tout, c'est plus pour faire. Alors, elle n'a aucune vocation sportive, cette salle. C'est plus pour faire du spectacle, du théâtre, l'animation peut-être des artistes, de l'animation culturelle. Ouais. Chacun, il y a 30-35 ans, avait son gymnase, c'était des salles polyvalentes. Le gymnase servait de salle d'entraînement, de salle de sport. On mettait tout dedans. Ouais, on faisait des repas, on faisait des balles. Il n'y avait pas d'acoustique. C'était pitable. Pitoyable. Ouais. Je me souviens, ma grande fille Marilyn devait avoir 3-4 ans. Serge Lama est venu à Saint-Étienne-lès-Mirmont. Et Léo Ferré est venu, parce qu'on en a parlé ici. Peut-être, alors là... Il y a eu des recherches qui ont été faites en mairie, puisque Radio Gémozo avait organisé un concert il y a 2 ans avec Tournée Générale, Delphine Se Défile et Philippe Roussel. Mmh. Et Delphine Se Défile, avec son musicien Jean-Nicolas Mathieu, stéphanois, avait fait des recherches en mairie. Et effectivement, il y a encore la facture Léo Ferré qui avait été payée je ne sais plus combien à l'époque. Et il a joué ici, vers la fin de sa vie, à la salle polyvalente de Saint-Étienne des Rouillères. Oui, enfin, il aura vraiment servi à tout. Ah oui, donc Serge Lama est dû venir il y a 35 ans et il avait cassé la croûte au petit Stéphanois. Et j'étais allé lui faire dédicacer un 33 tours alors qu'il était à table. Il était très, très sympa. Bon, il y a d'autres personnes, d'autres vedettes qui sont venues. Un qui est venu aussi, c'était François De Gueldt, il y a quelques années. Il avait été invité par une association. Ça devait être une radio concurrente, je crois, qu'il avait invité. Et bon, il n'y avait pas eu foule, hein, puisqu'il y avait une trentaine, quarantaine de personnes. Mais en plus, il était parti. Il avait quitté ce monde peu de temps après. Mais enfin, donc, je fais attention à qui je fais venir, parce que si c'est pour les voir partir, on va éviter quand même. Hein. La nouvelle salle multi-activité de Saint-Étienne-lès-Remiremont, avec cette première manifestation, T'es dansant, le 4 novembre. 4 novembre. Les gens qui écoutent pourront la louer, cette salle. Il y aura possibilité de location. Bon, il est certain que il va falloir qu'on se réunisse, qu'on crée un petit groupe de travail pour savoir quels sont les tarifs qu'on appliquera, parce que c'est le jour et la nuit par rapport à sa polyvalente. Donc il est certain qu'un outil de 2 millions d'euros, on va pas le mettre à disposition sans prendre de garantie et sans avoir une caution suffisamment importante pour éviter toute dégradation. Hein. Et à propos de spectacle, concert, ça tombe bien puisqu'on a un artiste autour de cette table, il s'agit de Cosmos. T'as eu l'occasion de te présenter tout à l'heure avec Lou, t'as parlé un petit peu Rapidement. Dis-moi, on m'a dit que je pouvais faire une intervention après. Oui, et puis je pense que c'est sympathique d'autant plus de te présenter à ceux qui écoutent et à Michel et Julien, puisque toi, bah, ta spécificité, c'est d'avoir été reconnu d'abord pour un premier titre sur le harcèlement scolaire puisque tu l'as subi. Oui, voilà. Je vais me présenter rapidement. Donc, au début, j'étais un passionné de théâtre. J'étais vraiment passionné de théâtre. Je m'amusais à imiter Louis de Funès quand j'étais petit. Et au collège, je jouais beaucoup Louis de Funès. Et malheureusement, j'ai subi le harcèlement scolaire parce que déjà, j'ai un nom portugais. Do Carmo, c'est portugais. Et j'étais différent des autres. Et j'ai subi le harcèlement pendant tout le collège. Et en quatrième, j'ai commencé par découvrir le rap et j'ai écrit des textes. Et après, j'ai découvert Encore Malade et j'ai écrit des slams. Et j'ai écrit mon premier slam contre le harcèlement, c'était en 2016. J'ai été repéré par mon prof de musique qui m'a dit « fais-le au concert de fin d'année ». Et en faisant ce titre au concert de fin d'année, ben, je suis arrivé là où j'en suis aujourd'hui. C'est une belle aventure. Ben, j'ai été repéré par le Airplay parce que je voulais mettre en avant mon message non harcèlement, parce que je voulais vraiment dire ce que c'est, parce que c'est vraiment une violence gratuite, à la fois silencieuse et à la fois désastreuse. Et à la suite donc d'avoir été repéré par le Airplay, etc., tu as quoi? Tu as enchaîné sur enregistrer un titre, quels sont les... J'ai réalisé un CD de 6 titres. Un CD, d'accord, ok. Qui s'intitule « Plus que des paroles ». D'ailleurs, si vous voulez, je l'ai sur moi. Bien sûr, avec plaisir. Et ce titre, il y a plusieurs titres. Il y a le titre 13 qui rend hommage à la fille de Nora Fraisse, Marion, qui s'est suicidée le 13 février 2013. À 13h malheureusement. D'accord. Suite à un harcèlement scolaire. Oui, voilà. Et ça m'a tellement touché. Et sa mère m'a retweeté sur Twitter. Nora Fraisse m'a retweeté sur Twitter. Et pour la respecter, pour lui dire merci, un grand merci, je lui ai dit voilà, je rends hommage à sa fille parce que je pense que c'est la plus grande des politesses qu'on peut faire à une mère. C'est une très belle histoire. Et après, j'ai écrit NAH. Parce que ne pas mettre NAH, ce serait incompréhensible. Mmh. Après, j'ai écrit plus que des paroles pour exprimer la violence que fait le harcèlement sur les parents. Mmh. Et après, le monde, c'est nous. Parce que le monde, ben, c'est nous, on n'est pas différents. On a beau avoir la patte cassée, être de couleur ou je ne sais quoi. On pense, on aime, donc voilà, le monde, c'est nous. Et souvenir vivant, un peu pour me retrouver. Parce qu'avec le harcèlement scolaire, je me suis dit, tous mes bonheurs de l'enfance, c'est n'importe quoi. Alors qu'en fin de compte, si, c'est ça qui m'a permis de devenir Cosmos. Super. Et suite à tout ce succès là, qui t'arrive comme ça, subitement, tu as déjà eu des sollicitations de l'extérieur? Bon, Airplay, on sait, bien évidemment, au niveau local, mais par rapport, tu as des sollicitations qui vont au-delà? Bah, j'ai beaucoup de personnes qui me demandent si la musique est disponible en streaming. Mais vu qu'elle n'est pas encore disponible en streaming, ça freine un peu. Ça freine un peu, mais j'ai beaucoup de personnes qui viennent me parler, même d'anciens harceleurs qui disaient « on ne savait pas que ça te faisait mal ». Alors je leur ai expliqué et après ils m'ont dit « ok, quand j'aurai un gamin, eh ben, s'il harcèle quelqu'un, eh ben, je lui dirai ce que tu m'as dit ». Et c'est un peu pour rendre un avenir meilleur. Bien sûr. On a fait des bêtises, mais il faudrait que le monde de demain ne fasse pas les mêmes bêtises que nous. Son nom de scène, c'est Cosmos. Vous pouvez chercher sur Internet. Alors, je suis disponible sur Facebook. Vous tapez Cosmos officiel. Et sur Instagram aussi, j'ai un compte Instagram. Vous tapez Cosmos officiel Airplay. Tout à l'heure, peut-être... qu'on écoutera le morceau NAH qui signifie non au harcèlement. On verra si le technicien... Il voulait chanter en live. Oui, j'avais proposé de chanter NAH en live. Bah, je ne savais pas, bah, bien sûr. Sans bande-son Plutôt avec la bande-son, parce que vous avez mon CD. Ah ben justement, c'était ça, moi, que... Alors, pour tout dire, on va vous expliquer un peu les coulisses. Hein, c'est la porte ouverte à Radio Gamozo. Venez nous rejoindre, direct, place de l'Hôtel de Ville à Saint-Étienne-et-Miremont. C'est à la Bonne Franquette, du coup. J'envoie des petits messages par écrit à Julien le Président, d'aller chercher Lou, l'animatrice, pour qu'elle récupère le CD. Oui, c'est toute une organisation. Un travail d'équipe, nous aussi. À Radio Gamozo, puisque le CD est là, bah, Lou l'a trouvé, elle le glisse. Et sur une des pistes de ce CD qui est à quoi, 6 titres 6 titres. Il y a une intro en violon, et après, il y a les autres titres. Donc, il y a le titre instrumental de NH Non, du moins, il y a ma voix dessus, mais je peux chanter par-dessus ma voix. Chante par-dessus. C'est la plage 3, je pense. NAH, non, harcèlement. 4, excusez-moi. C'est pas évident. Ce ne sont pas les chiffres du loto, c'est pas la peine de les noter chez vous, vous ne gagnerez certainement pas avec ceci. C'est quand vous voulez, si on écoute Cosmos. Longtemps dans mon cœur, j'ai gardé ce mal-être que j'ai trimballé avec moi lorsque je croisais les traîtres. Aujourd'hui, je vous en parlais de ces années d'enfer. Trop d'enfants à l'école et sur Internet ont souffert. descendant d'un métissage, on m'appelait le bâtard. Voilà pourquoi moi-même, j'avais ce coup de poignard. Je pouvais pas garder la tête haute comme je le pensais, car trop d'injustices en ces années se sont accumulées. Les insultes font mal car tu crois qu'elles ont raison. Faire du mal pour le sourire est-elle une bonne raison? Tous ces visages noircissent, à force d'être souffre-douleur, tu te caches pour vider ton sac de pleurs. Toi qui souffres tous les jours, tu aimerais en finir, mais quand tu t'approches du collège, tu entends déjà les fous rire. Garde confiance en toi, je sais de quoi je parle, et c'est pour ça que maintenant, je veux que ce soit toi qui parle. Et c'est pour ça que maintenant, je veux qu'on écoute Radio Gemozo. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, je veux faire exprimer les cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, viens, je saurai t'aider. Quand je repense aux grands qui se sont suicidés, Matteo, Bruno, Marion Fraisse, je me dis là c'est décidé. À force de coffrer tant de haine dans un si petit corps, j'ai remarqué qu'avec le temps, j'étais moins fort. Ouvrez les yeux, juste un instant. Dans les écoles, c'est pas un seul, c'est plusieurs enfants. Nora, je pense fortement à ta fille. En écrivant ce livre, tu lui as confié une autre vie. Virginie, ton fils reste à jamais dans nos esprits. Je veux rendre les gens heureux et comme lui, j'écris. Gardons la tête haute pour faire vivre nos enfants. On fera tout pour braver le harcèlement. Je m'adresse à la direction des collèges. Je m'adresse aux académies, aux écoles et aux universités. Si vous faites la sourde oreille, un jour ou l'autre, vous allez le regretter. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, je fais exprimer les cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, viens, je saurai t'aider. On doit se manifester, dire nos droits, mais que la violence doit être dispensée. Aider les suicidaires, je sais ce que c'est. Après 3 tentatives, je connais bien cette misère. Ne rejetez personne, ce n'est pas le physique qui va définir la personne. Regardons-nous dans les yeux. On est tous pareils. Pourquoi on s'entretue comme des gueux? L'homme a appris à haïr, mais il peut apprendre à aimer. On a le poing levé comme Nelson Mandela. Gardons le sourire pour avancer. Prenez votre stylo. Tous ensemble, on va écrire ce qu'on a vécu étant ado. Défendons la justice. Ensemble, on va aider les élèves du monde qui sont dans le précipice. Tous ces gens qui souffrent en ce moment, je dis non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, je fais exprimer les cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, viens, je saurai t'aider. Pour tous ces gens qui souffrent en ce moment, Radio Gemozo dit non au harcèlement. Pour rendre ce monde meilleur, je fais exprimer les cœurs. C'est à toi que je pense, petit. C'est à toi qu'on pense. C'est pas toujours vrai ce qu'on dit. Si personne veut t'écouter, si personne t'écoute, viens, je saurai t'aider. Toujours là. Cosmos, bravo, merci. En direct du studio de Radio Gemozo pour les portes ouvertes. Et je me souviens quand tu étais venu ici pour en parler, cet album, c'était oui, sur le loup, lors des c'était loups. Le 12 juillet. Tu avais parlé du rôle qu'avait joué ton papa comme soutien. Hein, pour, oui. Il est ici, moi j'aurais bien voulu qu'il dise deux mots quand même, le regard sur le fiston. Non, il est très timide. Bah, il... Mais juste bah, avant que tu t'installes, demander à Michel Demange, maire de Saint-Étienne, et puis Julien, qui lui est adjoint à la mairie de Saint-Nabord, Julien Ballan, ce qu'il pense de ce morceau écrit par Cosmos. Ah, c'est poignant, franchement, les paroles. C'est du texte, là, hein. C'est pas de la variété. C'est vrai que ça prend. Ça sent le vécu, hein, franchement. Et on retrouve effectivement l'essence Grand Corps Malade. On sent bien cette essence-là, mais la force, comme le disait Michel, hein, la force des mots. Voilà, tout est juste, tout est bien emmené. Et au niveau du rythme, ça s'ensuit. On est tous partis avec toi dans le slam. C'était vraiment un très, très belle, très beau morceau. Enfin, j'ai voulu représenter la souffrance d'un, d'un jeune homme harcelé au plus juste. Parce que souvent, quand on parle de harcèlement, on n'est pas très juste et il y a de la confusion. Et j'ai essayé de faire du mieux que je peux. Et voilà, ah, ça a apporté ses C'était filles. Très juste, ouais. Merci bien. Tu te produis en concert ? En ce moment, non. Je n'ai pas trouvé de proposition de concert pour l'instant. Messieurs, tu as deux responsables qui ont des salles tout à fait. De spectacle possible pour toi. Je m'abonnerai dès tout à l'heure à la sortie du studio déjà à ton Instagram de manière à pouvoir suivre ton actualité et pourquoi pas par la suite ça puisse déboucher sur quelque chose avec grand plaisir. Merci. Et moi ce que je trouve vraiment génial et je te remercie pour ça Cosmos, hein, c'est de mettre ton expérience au service d'autres puisque peut-être que ce titre, ta parole pourra aider d'éventuels jeunes qui... C'est ce que je souhaite. Au début, quand j'ai fait ce CD, c'était un peu pour m'ouvrir au monde artistique, montrer de quoi j'étais capable. Mais c'est surtout pour qu'un petit écoute ça et qu'il se dise « Non, je ne vais pas me foutre en l'air pour ça et je vais y aller ». Mon slam n'est pas fait pour l'argent, il est fait pour rassembler, tout simplement. À propos de rassemblement, nous sommes tous là dans le studio de Radio Gamozo ensemble. Il y a le papa de Cosmos. Bonjour. Bonjour. Alors, le nom de famille, hein, c'est Docarmo. Docarmo, pardon. Ton rôle par rapport à ton fiston, donc, il a été celui de soutien. J'ai fait le mieux possible pour pouvoir le soutenir. Mais quand j'entends son texte, quand j'ai appris... C'est ce qui m'a un peu effaré, c'est que nous n'étions au courant de rien. Et c'est pas évident. Hein, nous avons découvert cette chose, cet état de fait, parce que un beau matin, le gamin, il a fait une crise d'alarme, il était dans des états pas possibles, il a fini à l'hôpital. Et c'est bien souvent les gens les plus proches. Hein. Malheureusement, c'est toujours comme ça dans ce genre de situation. On pense être les plus proches et finalement, c'est nous qui sommes au courant de oui, rien. Oui, et voilà. C'est pas évident aussi le harcèlement. Parce que quand on subit le harcèlement, même si on sait que c'est pas de notre faute, on se dit on le mérite. Alors que c'est pas du tout le cas. Donc, quand il a décidé de mettre ça en musique, je l'ai soutenu à fond. Ah, tu peux être fier de lui, hein, puisque comme je le disais, finalement, il a transcendé cette souffrance pour en faire quelque chose au service du collectif. Oui. Et bon, NH est un beau titre que j'aime bien, mais il y a aussi plus que des paroles qui... Il me fait hérisser les poils sur le dos parce que ça s'adresse plutôt aux parents. C'est l'histoire d'un père qui se retrouve devant le cercueil de son fils. Je vous jure que quand on écoute ça, on a les poils qui se hérissent sur le dos. Quand on est parent, autrement non, je ne pense pas. Mais quand on est parent, quand on écoute ça... D'ailleurs, Licinio va nous le caler. Puis tout à l'heure, en transition, c'est-à-dire pour la prochaine intervention, Gilou et ses invités, le duo Anaïs et Fabien, ou Fabien et Anaïs, je ne sais pas, on le dit plutôt la dame d'abord, Anaïs et Fabien, on l'écoutera plus que des paroles, nous a rejoint... Vous la connaissez, Lia, puisque... Bonjour. La bulle de Lia. Oui, bientôt je suis de retour. On vous l'entendrait les midis, le lundi. Le lundi en direct à midi, et puis tous les mardis à 8h et à 13h30 pour Minute Bonheur, un petit peu de bien-être à la radio. Quand Monsieur Docarmo parlait d'être parent, toi ça te parle puisque oui. Tu es maman. Alors moi ça me parle dans les deux sens parce que tu sais, j'ai été victime de harcèlement. J'ai eu mon premier enfant très très tôt en fait, j'ai été enceinte à 16 ans. Et en fait un petit peu le lynchage au lycée, je me faisais cracher dessus, pousser dans les escaliers, on me jetait des cailloux. Donc je parle très souvent de harcèlement avec mes enfants parce que j'ai 4 enfants. Le plus grand il a 15 ans, mon dernier va avoir 8 ans. Et pour moi c'est important de sensibiliser dans les deux sens, faire attention peut-être à la facilité qu'ont les enfants d'être méchants les uns avec les autres sans, oui. Comme tu le disais tout à l'heure, se rendre compte de l'impact vraiment très très important, parfois très grave que ça peut avoir. Donc dès que ça dérape un petit peu, il faut prévenir, attention là les mots, ça peut faire mal, tu sais si... Oui les mots, ça fait très très mal. Ça fait mal. Et du coup, ça me touche beaucoup ce que tu fais, parce que je pense qu'il est grand temps de lever ce tabou, je pense que ça a été un petit peu tabou, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui, mais moi l'équipe scolaire, elle n'a pas répondu présent. Moi non plus, quand je me suis présentée au bureau en disant je suis pas bien, on m'a carrément dit c'est pas mon problème. Voilà. Alors que pour moi, si c'est un problème, c'est un problème pour l'humanité. Alors est-ce qu'aujourd'hui les enseignants, les professeurs, ils sont un petit peu plus formés sur le harcèlement? Est-ce que voilà, on prend un temps de sensibilisation avec eux, et ben peut-être pour déceler certains signes, faire attention à certaines choses, ce serait quand même intéressant. Les enfants, ils ont toutes leurs responsabilités, les parents aussi, mais je pense que l'équipe enseignante, elle devrait être peut-être un petit peu plus formée. Est-ce que toi, par exemple, tu as pu rencontrer un psychologue scolaire, l'infirmière? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a tendu un petit peu l'oreille? Dis-moi, au début, au collège, ça bougeait pas trop. Mais après, vers les années fin 2015-2016, j'ai vu que les enseignants commençaient à en parler un peu plus et que ça devenait vraiment important d'en parler. D'accord. Et je me suis sentie moins seule et c'est pour ça que NAH est arrivée. Et a vu le jour. Ça t'a fait du bien de coucher un peu tout ça sur le papier? J'imagine que ça t'a énormément. Vider son sac, quoi. Mais je pense que ce qui m'a fait le plus de bien, c'est le concert que j'ai fait pour la commémoration de l'abolition de l'esclavage. Oui. J'avais interprété 13 et NAH. Et quand j'ai vu le public qui m'a dit « Vas-y, fonce, je veux pas les décevoir. » C'est sûr. C'est pour ça que j'ai fait le EP et que j'ai chanté « La joie » avec « Le monde, c'est nous ». Oui. Et à chaque fois que je l'interprète sur scène, c'est une explosion de bonheur à chaque fois. « Le monde, c'est nous », c'est... Est-ce que parfois ça existe, certains jeunes qui vont au sein des établissements scolaires pour un peu témoigner de ce qu'ils ont vécu, pour sensibiliser? Est-ce que toi, c'est quelque chose que tu ferais? Justement, je cherche un service civique pour mettre en avant la prévention du harcèlement scolaire. Okay. Et malheureusement, je n'ai pas trouvé de lycée qui est intéressé pour que je témoigne, malheureusement. Ah bon, d'accord, bon. Donc finalement, il y a encore beaucoup de choses. Il y a du chemin à faire. Il y a encore un grand chemin à faire. Et Julien, j'en reviens à toi, mais en tant qu'adjoint à la commune de Saint-Nabor, pourquoi pas, est-ce que vous avez la possibilité de le faire intervenir dans une de vos écoles? Tu anticipes absolument. Je disais tout à l'heure, alors là, on parlait du cadre artistique, musical, bien évidemment, mais je pense que ça va bien au-delà. Et de par son approche musicale, je pense que ce serait peut-être simple, beaucoup plus simple de vraiment toucher un maximum de public, et ça pourrait effectivement, pourquoi pas, déboucher et commencer à solliciter les personnes, les bonnes personnes en fait. Donc je m'y engage vraiment dès aujourd'hui. Lundi, vraiment, on passera des appels. Je peux pas garantir à ce jour, bien évidemment, ça peut déboucher. Mais si on peut faire le nécessaire, enfin, je suis absolument réceptif à ton message. Donc, on fera le nécessaire, vraiment. Que ce soit au niveau de toutes les infrastructures scolaires, collège, lycée, et pourquoi pas aussi les écoles primaires. Ce sera peut-être aussi le harcèlement, il est partout, hein, donc. Oui, il est partout, malheureusement. Et je pense que en ce qui me concerne, en termes d'élu, j'aurai peut-être un moyen d'action peut-être plus facile sur tout ce qui est municipal, donc tout ce cadre scolaire, maternel et élémentaire, voilà. Et moi, j'aurais un bon moyen de communication, c'est la radio. Hein. Pourquoi pas, non? Ah bah c'est pour ça qu'il est venu aujourd'hui. Ben oui, venu et puis il reviendra. Oui. On va le suivre comme tous ceux qui viennent et vous qui nous écoutez. N'hésitez pas à nous contacter 03 29 62 40 40. La porte et les micros vous seront ouverts pas qu'aujourd'hui. Hein. Moyen d'expression ici est libre. Et oui. Super. À propos, Monsieur Julien Ballon, est-ce qu'il y a un thème qu'on n'aurait pas évoqué que tu aimerais mettre en avant? Écoutez. Moi, je suis le fil conducteur, en fait. Hein. Donc, on était sur Saint-Vincent-de-Paul, on est repassé sur Cosmos, et c'est très, très intéressant. Moi, je me régale, parce que c'est toutes des rencontres dont on s'enrichit, donc c'est vraiment très, très intéressant. Est-ce qu'il y a un message, toi, que tu aimerais porter, que ça soit, parce qu'on a parlé de ton rôle d'élu un petit peu, je ne sais pas si de ta profession, tu veux en parler, s'il y a des points forts que je ne connaîtrais pas, puisque c'est vrai que je n'ai pas d'habitude. En ce qui me concerne, je recherche beaucoup sur Internet pour préparer et trouver plein de points. T'as pas tout concernant, c'est compliqué. Oui, non, je travaille au niveau local, hein, donc sur Wikipédia, tu n'auras absolument rien. Non, pas sur Wikipédia, mais dans les autres pages. Complètement. Non, effectivement, c'est... En fait, je travaille dans le cadre de mes missions d'élu. Et puis je suis aussi parallèlement, donc en fait je travaille énormément sur le terrain parce que je suis responsable du service des sports à la mairie de Remiremont. Donc en fait ça me permet d'être au contact en fait, permanent. C'est pour ça que je disais Cosmo, moi ça me parle parfaitement. Et puis il y a aussi des rencontres, tout un rayon professionnel avec lequel on est habitué à travailler. qui permettra peut-être de déboucher sur quelque chose de concret. Voilà. On parlait de salle de spectacle et la salle de sport, le gymnase, c'est ton truc, le sport ? Tu pratiques ? Oui, tout à fait. Je pratique un petit peu tout. Alors, effectivement, avec différentes missions, différentes casquettes, je pratique plus en loisir qu'en compétition. Ça m'arrive encore de faire quelques compétitions pour le plaisir. Mais beaucoup de natation, vélo, course à pied, un peu de golf aussi. Ah oui. Voilà, on essaye de faire un maximum de sport, voilà, de s'entretenir. Mais toujours dans la même essence, c'est toujours le plaisir, avant tout. Alors, ce que je propose, si tu as envie, Julien, je te propose de revenir, puisque je sais que pour Saint-Nabord, tu avais fait jouer Jack Simard. Absolument, en première partie. Dans une heure, puisque c'est vrai que là, on avait dit en gros 16 heures, Gilou avec le duo Anaïs et Fabien. Bon, on déborde un petit peu, vous savez comment ça se passe pour les portes ouvertes. C'est toujours comme ça, c'est normal. Bien sûr. Et puisque d'autres viennent s'ajouter à ce bien sûr, prévu, mais c'est ça qui fait la complètement. On vous allez retrouver Gilou dans quelques instants avec ses invités. Et si tu veux, Julien, revenir, pourquoi pas, quand il y aura Jack et Kadou. Avec grand plaisir. Si tu as envie de leur poser des questions et puis écouter les morceaux qu'ils interpréteront en live. Absolument, avec grand plaisir. Écoute, j'essaie de revenir tout à l'heure. Peut-être à tout à l'heure. Et Cosmos, merci beaucoup de ta présence ici aujourd'hui et de nous avoir interprété. C'était pas évident comme ça en live. Oui, mais pour moi, interpréter NAH, c'est un message que je délivre toujours avec la même force. Mais les conditions n'étaient peut-être pas optimum. Non, du moins, le plus important, c'est que le message soit passé et que... Et le rendu était quand même excellent. Bah oui, voilà. Parce que tu as chanté sur la bande, sur la chanson. Sur la plage CD. Oui, voilà, ouais. Sur la plage CD. Tu peux nous faire entendre plus que des paroles de... Eh ben j'avais une autre solution, moi j'avais une autre idée en fait. Propose. Je t'inquiète. Non, comme on avait reçu Saint-Vincent de Paul qui fait du colis alimentaire, j'avais pensé au Resto du Cœur, la musique des Restos du Cœur, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, bah alors, peut-être qu'on passera, on gardera le morceau. Vas-y, mais en tout cas, on passera tout à l'heure, on trouvera un moment pour passer le morceau plus que des paroles de Cosmos, et puis sinon, vous irez sur Internet, vous procurerez le CD, ça sera l'occasion. Oui, ouais. Via Facebook, on peut te commander le CD. Oui, vous allez sur la page Cosmos officielle, vous envoyez... un message comme quoi vous voulez un CD et après on s'arrange pour faire un envoi postal. Et ben voilà. Parfait. Parfait. Puis vous pouvez suivre ma page Instagram. J'ai un compte Instagram, donc vous pouvez me suivre sur Instagram. Et si j'ai encore un dernier message à dire, c'est de dire non au harcèlement et de casser le mur du silence. Bravo. Tout simplement. C'est le plus important parce que la loi du silence, elle est très très dure à faire tomber. Oui. Mmh. Et c'était aussi important, que ce soit par l'IA ou par toi, d'avoir le point de vue des parents. Oui, voilà. On va donc entendre l'instituteur, Lissigno, et puis vous retrouverez... C'est pas ça que t'as dit ? Je n'ai pas dit l'instituteur. J'ai compris l'instituteur. Les Restos du Cœur, je crois. Ah oui, je me disais qu'il n'y a pas de logique. Il y a un clin d'œil avec Saint-Vincent de Paul. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on pense ? Je crois que c'est le moment où je vais aller me reposer quelques instants, mais voilà. C'est la place à Gilou. On va prendre un café. Et puis, on se retrouve, Lia, si tu veux intervenir plus tard, quand il y aura Jack, par exemple, n'hésite pas. Avec et venez nous voir, ici, place de l'Hôtel de Ville, au 8, pour être précis, à Saint-Étienne-les-Remiremont. À plus tard. Just seul, on gardait toujours une place à table, une chaise, une soupe, un coin dans l'étable. Aujourd'hui, nos paupières et nos portes sont closes. Les autres sont toujours, toujours en overdose. J'ai pas mauvaise conscience, ça m'empêche pas de dormir. Mais pour tout dire, ça gâche un peu le goût de mes plaisirs. C'est pas vraiment ma faute s'il y en a qui ont faim. Mais ça le deviendrait si on n'y change rien.